Bienvenue, c'est Kev sur le Before Dance Floor, 20h-21h, on est là comme chaque jour, lundi au jeudi, 20h-21h, ça nous fait plaisir d'être avec vous les amis. Aujourd'hui on va parler un peu du corps humain, je vais vous apprendre des choses sur le corps humain, on va vous faire aussi les métiers les plus, les meilleurs, les mieux, ouais les mieux payés, c'est mieux, voilà c'est mieux comme ça, dit comme ça. Ouais, on va parler des Pokémon Go aussi, voilà du jeu Pokémon Go, j'ai quelques infos à vous dire dessus. Bref, tout de suite c'est ma femme, vous le savez, à chaque fois je le dis, c'est Selena Gomez, c'est Kev, on est en direct jusqu'à 21h, en tout cas merci de votre fidélité. Ajoutez sur Facebook Kevin RD pour vos messages, vos dédicaces. 21h, le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill them with kindness.

J'm'en fous, j'm'en fous, j'm'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, j'fais le tour. J'm'en fous, j'm'en fous, j'm'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Allez, bienvenue, c'est Kev sur le Before Dance Floor, on est jusqu'à 21h. Radio Dance Floor, un max de son Dance Floor. Allez, tout de suite, le top 5 des métiers qui vous feront gagner le plus d'argent. Et oui, c'est parti, alors, je sais pas c'est quoi ce boutage. C'est quelqu'un qui boit dans une paille, je crois, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Ah, d'accord, on vient de me dire que c'était un truc avec de l'argent. D'accord, donc allez, c'est parti. En cinquième position, nous avons l'ophtalmologiste avec un salaire de 111 000 euros par an. Nous avons le broker, donc c'est intermédiaire financier, donc avec 115 000 euros par an. Nous avons le chirurgien avec 118 000 euros. Le chef de la direction en top 2 avec 132 000 euros. Et en première position, nous avons conseillère d'administration avec 250 000 euros par an. C'est énorme. Et beaucoup de personnes ont cru, à mon avis, que c'était l'avocat. Donc l'avocat se trouve en 18e position, les amis. Ingénieur, 10e position. Consultant financier en 16e position. Directeur des achats, 15e position. Pilote, les amis, je savais pas. Pilote en 10e position, 88 000 euros. Voilà, pilote. Donc les pilotes, ils sont bien payés quand même. Donc en tout cas, voilà. Donc c'est les métiers qui vous feront gagner le plus d'argent le plus possible. Et moi, évidemment. Évidemment, animateur, je suis au-dessus du top 1. Évidemment, je suis payé 300 000 euros par an chez Radio Mix. Alors voilà, je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis comme ça. Donc si Alex, il écoute le directeur, ça me ferait plaisir que fin du mois, 300 000 euros par an, on peut négocier. Bref, en tout cas, les amis, on revient juste après ça. Ne bougez pas. On parlera de Pokémon Go. On va se faire aussi. On va parler du corps humain. Voilà, je vais vous apprendre des choses un petit peu insolites encore une fois dans cette émission. Bienvenue, c'est Kev, en tout cas, jusqu'à 21h. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook. Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mr. Worldwide. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Sabrosito.

Allez, c'est Kev en direct de Before Dance Floor, Radio Mix Floor, 21h. 20h, 21h. Le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Allez, bienvenue les amis, tout de suite, je vous l'ai promis, on va parler de. Quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? On va parler de. Un jour, je serai le meilleur danseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être un meilleur. Ouais, bref. Donc, les amis, je vais vous parler de Pokémon Go. Et oui, alors, Antawai. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Antawainaise, voilà. Taïwanaise, bref, c'est une ville, tu vois, qui doit se trouver en Chine. En, voilà, bref. C'est en Taïwan. Ouais, voilà, Taïwan, voilà, c'est ça. Alors, il y avait des milliers de personnes, les amis, dans la rue. Donc, vous savez, dans les pays comme ça, il y a beaucoup de monde. C'est les pays les plus peuplés. Voilà, donc ils sont en train de marcher avec leur téléphone, etc. Et d'un coup, l'application Pokémon Go a décidé de faire spawn, entre guillemets, spawner un Pokémon rare. Et il y a plus de 100, des centaines de, voire des milliers de personnes qui sont, ils ont couru tous ensemble pour attraper le Pokémon, les amis. J'ai vu la vidéo, c'est énorme. Donc, ceux qui peuvent... Franchement, c'est énorme. Des centaines, voire des milliers de personnes ont couru après ce Pokémon. Et j'ai vu la vidéo, c'est assez hallucinant, les amis. Ça prend les voitures. Il y a des gens qui se prennent des voitures. Il y a des gens, c'est les voitures, mais peuvent même plus avancer tellement que c'est quand même assez, c'est ouf, quoi. Franchement, c'est hallucinant. Voilà, bref. Voilà pour Pokémon Go. En tout cas, tout de suite, Didier Snake en direct de Radio Mixer. On est là jusqu'à 21h. Et avant qu'on se quitte, non, on va pas se quitter. On va parler de l'araignée banane. Juste après ça, ça va intéresser pour ceux qui n'arrivent pas à aborder. Voilà. Je vous en dis pas plus. Didier Snake tout de suite sur le Before Dance Floor. C'est qu'il y a jusqu'à 21h. Bienvenue tout le monde. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Salut, c'est Benjamin Braxton et vous écoutez mon nouveau single Ailleurs sur Radio Mixfloor. De Marseille, encore des Marseillais, ça fait plaisir qu'ils nous écoutent dans le Before Dance Floor. Allez, je vous l'ai promis, il faut 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre bouche à l'estomac et le corps humain est composé de 65% d'eau. Bienvenue sur le Before Dance Floor, je vous l'ai promis, on apprend des choses.